Allô. Beaucoup d'humour. Allez, jouons avec les nombres. Ensemble, mathématiques. Chapitre 1. Écoutez bien, Pokémon. Contient les nombres 0, 1, 2, 3, etc. C'est l'ensemble des entiers naturels. Oh, c'est tout énorme! Contient les nombres précédents, ainsi que moins 1, moins 2, oui. Moins 3, etc. C'est pas plus fort. C'est l'ensemble des entiers relatifs. Hein? Quoi? C'est possible. Et contient les nombres précédents, ainsi que les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur 10, etc. Et ben, je trouve 6. Avec A, un entier relatif, et L, un entier naturel. Ah ouais! 54,698. C'est l'ensemble des nombres décimaux. Ouais! Qui contient les nombres précédents? Je pouvais! Ainsi que toutes les fractions. 3 demi, 10 tiers, 562 sur 2158. Mathématiques! Etc. C'est l'ensemble des rationnels. Et tu ne ferais pas les fractions avec aussi? Et là, ça sera pour une prochaine fois. J'espère qu'on t'a passionné. Oui, je veux le chapitre 2. Que l'envie te prendre. D'attendre. La suite. La suite pour de nouvelles aventures. Parmi les ensembles. Il y a Sony qui a roté.